Voici Guillaume Audiz. Ça va les amigos? Ouais. Et c'est rare, mais ce matin j'ai un conseil culture. Quoi? La nouvelle formule de TPMP avec Benji Castaldi? Non, les Marseillais à la grande librairie. Non, bien essayé, moins pointu que ça. Non, j'ai vu un documentaire incroyable qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Netflix. Un courant d'air, c'est une tentative d'attentat. Denis se jeter sur toi, il veut ton corps. Et ça s'appelle La Sagesse de la Pieuvre, vous avez pas vu? Non. Ça raconte comment un plongeur un peu dépressif finit par apprivoiser un petit poulpe. Et ça m'a trop fait penser à ma relation avec Nagui. C'est vrai, vous allez me dire, comment tu peux comparer? Un poulpe, c'est hyper intelligent et tout. Nagui, il a offert son cerveau à la science, la science a dit non merci. Ok, en attendant, ça m'a bouleversé. Tu vois, ce mec paumé comme ça a plongé tous les jours dans un océan glacial pour rejoindre ce petit poulpe et tout. Et je me suis identifié. Moi, j'avais eu ça avec une perdrix du côté d'Angoulême. J'ai mis 10 plombes à établir la confiance et tout. Après, il s'est avéré qu'elle était anti-vax et tout. Elle était pro-Raoult, soi-disant 11 septembre, c'était le Mossad. Je lui dis, Véronique, je t'aime beaucoup, mais tu retournes dans ton châtaignier. C'est ça le problème quand on se frotte à la faune sauvage. Parfois, ça te met des couteaux dans le dos. Mais ici, le plongeur et ce poulpe, ils sont curieux l'un de l'autre comme ça. Et on voit évoluer ce petit animal tout mignon et tout courageux. Et on réalise à quel point c'est des merveilles de l'évolution, les poulpes. Quoi. Les poulpes, ils sont capables de résoudre des problèmes ultra complexes, genre Israël-Palestine. C'est un poulpe qui arrive à la solution à deux États. Franchement, au début, Shimon Peres, il était dubitatif et tout. Et je savais que cette vanne était bancale. Je savais, mais non, je savais. Qu'est-ce que vous croyez? J'aime bien prendre des bides. Non, mais voilà, je prends des risques. C'est comme ça. Alors, non, mais en vrai, un poule, vous savez, ça, tu peux le voir sur des vidéos YouTube. Ça, tu lui mets la nourriture dans un bocal fermé et il comprend qu'il faut l'ouvrir et il parvient à le faire en 2-2. Quoi. Je lui en parlais de TPMP. C'est pas gagné que tous les chroniqueurs aient ce genre de TPMP. Un poulpe, ça a 9 cerveaux. Ça fait quand même 7 de plus que dans la bande originale. Quoi. Non, sérieux. Moi, j'aurais bien fait un billet sur l'astrophysique en présence d'Hubert Reeves, mais la dernière fois que j'ai parlé de la matière noire ici, c'est parti en détresse respiratoire et tout. L'astrophysique, c'est pas de votre truc ici, hein. Moi, je vais pas dire qui, mais il y a au moins deux membres de l'équipe qui pensent qu'en 1969 l'homme a marché sur le soleil, tu vois, avec une sacrée combinaison. Bah, niveau QI, on est clairement pas sur une filiale du CNRS, si tu veux, clairement. Enfin, soit, le poulpe, c'est le plus intelligent des invertébrés, quoi. Ça a autant de neurones qu'un chien, vous rendez compte? Pourtant, en France, on mange 137 kilos de poulpe par an et par personne, c'est énorme. Et c'est dommage que ce soit pas les vrais chiffres. C'est vrai, avec les vrais chiffres, on se serait dit, on arrive dans cette chronique et tout, qu'est-ce qu'on... Mais on a appris des trucs ici pas, c'est dommage. Mais je peux vous dire que ce film, il va vous couper l'envie d'allumer la plancha. Les bras des poulpes qu'on grille là, c'est rempli de neurones. Hein. Le poulpe, il a 8 bras autonomes qui peuvent toucher, sentir, goûter de façon indépendante. Quoi. Et j'en parlais avec le fondateur de la fistinière qui me disait, on a tout à apprendre des céphalopodes. C'est vrai, il m'a dit, si mes clients, ils avaient 8 bras qui étaient indépendants, je peux te dire que ça fait longtemps que je serais coté en bourse. Vraiment, il m'a dit ça. Faut se demander à quel point ça nous grandit de manger un animal si intelligent. Je crois que c'est Nicolas Hulot qui disait, moi les poules, je m'en bats les couilles, si c'était pas interdit, je boufferais du labrador. Et quelque part, c'était un beau texte, hein. Je veux que du sang dans mon assiette. C'était un beau texte. Et en attendant, si Nicolas Hulot regarde La Sagesse des Pieuvres, eh ben ça peut le convaincre d'arrêter. Franchement, matez-le ce documentaire. Vous allez me dire, oui Ernesto, fils d'un bouillon de poule et d'une tête d'oreiller, pourquoi on te fait confiance en matière de culture? Ta série préférée, c'est Candice Renoir. OK, très juste. C'est vrai que mon peintre préféré, c'est Eric Cantona. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Eh bien, je sais que j'ai aucune autorité morale en matière de culture, mais pour une fois dans votre vie, faites-moi confiance à regarder ce truc. Allez, bonne émission, les amis. Wow. Merci à vous. France Inter. La bande originale.